ça c'est bon but. Autour du feu, présenté par Plantcaster et Damien. Il fait toujours quelque chose, ce petit générique. On remercie encore une fois Gauthier, hein, qui nous l'a amoureusement préparé il y a quelques semaines. Gauthier qui a été joueur de Sgorg saison 7. Donc, salut tout le monde. Je vais dire d'abord bonjour aux invités. Je vais présenter donc Fondy et Gargo. Salut les gars. Salut à toi. Donc, présentez-vous un petit peu. Donc, je vais commencer. Donc, je m'appelle Gargo, j'ai 12 ans. Donc, je suis un grand passionné de Koh-Lanta. Je regarde depuis 2014, mais j'ai rattrapé pratiquement toutes les saisons en retard. Donc voilà, je suis vraiment très heureux de participer à ce podcast et merci à toi et Plaquemaster pour l'accueil. Bah, de rien, ça fait plaisir. En tout cas, ce Fondy, tu veux te présenter ? Je vais me présenter. Donc moi, c'est Fondy, donc de la chaîne Koh-Lanta News and Divers. J'ai 16 ans et je regarde Koh-Lanta depuis Koh-Lanta Vietnam, donc depuis 2010. Donc ça fait un moment et je tenais à te remercier. À toi et à Plaquemaster de nous inviter à ce podcast. Y a pas de souci. Nous, c'est qu'on aime bien un petit peu comme ça essayer de fédérer un petit peu tous les fans de Koh-Lanta pour qu'ils puissent participer. Donc ça fait plaisir. Ouais, c'est cool. Ouais. Ensuite, quelqu'un qui revient, vous commencez à le connaître petit à petit, c'est notre ami Jade du Liban, alias Cruyffismo. Salut Jade. Salut. Donc ouais, Jade, Libanais, fondateur de Sgorg, une ORG de survivor francophone sur Discord et grand fan de Koh-Lanta également depuis 2010. Et ensuite, le dernier, un joueur de Sgorg saison 7. Il avait terminé 8e après un magnifique blindside. Il a 31 ans, il est psychologue. Ah. Et c'est notre ami Marius. Ouais, salut, bonjour à tous. Je m'appelle Marius, j'ai 31 ans. Je suis Koh-Lanta depuis les débuts, depuis l'âge de mes 13 ans. Et j'ai découvert aussi Survivor il y a maintenant une petite dizaine d'années, ce qui a pas mal, je pense que vous allez le comprendre pendant ce podcast, qui a pas mal modifié ma vision du jeu. Voilà. On est là tous les cinq pour parler de l'épisode 6 d'Autour du Feu, l'élimination de Xavier notamment. Mais pas tout de suite. Donc là, on va commencer en analysant l'épisode. Est-ce que vous avez souvenir, vous, un petit peu des scènes qu'il y avait eu avant l'épreuve de confort, après l'élimination de Chloé ? Est-ce qu'il y a des choses, selon vous, qui mériteraient d'être discutées ? Comme d'habitude, les chefs des deux autres équipes expliquent ce qui s'est passé au conseil. Alors, il y a plein de casteurs sur le chat qui dit « J'aimerais bien qu'un chef tente un bluff en mentant à son équipe et en essayant de mettre une cible sur un candidat pour la merge. » Est-ce que vous pensez que ce serait une bonne idée ? Ça serait une bonne idée si il y avait deux équipes, donc un capitaine qui assiste le conseil et pas deux. Parce que je pense que le fait qu'il y ait deux versions qui sortent du conseil, ça peut être très néfaste parce qu'au final, à la réunification, il y aura les trois équipes. Donc, on aura forcément deux versions contre une. Voilà, donc pour vous, ce serait audacieux, mais surtout un trop gros risque à prendre. Ouais. À ce niveau-là du jeu, je pense quand même que ça peut apporter plus de préjudice à la personne qui tente le bluff, avec deux équipes en face qui peuvent tout à fait apporter deux versions différentes. Donc si personne n'a rien à rajouter, on peut passer à l'épreuve de confort. L'épreuve de confort des barils, en gros, sur un plan de 60 mètres avec des obstacles, vous aviez trois barils et une planche et il fallait ne pas toucher le sol du tout. Donc, épreuve remportée par les rouges. Donc, qu'est-ce que vous en avez pensé aussi? Très belle performance des rouges. Mmh. Très bien organisée. Après, au niveau des jaunes et des bleus, les jaunes, ils ont assuré aussi, mais les bleus, là, ça l'a pas fait du tout, quoi. Avec Maxime qui essayait de prendre les commandes alors que les bleus n'écoutaient pas, c'était le grand bazar, c'était une désorganisation totale du côté des bleus. Et par rapport à Maxime, justement, ce que je demandais, est-ce que vous, en tant que chef, est-ce que vous le trouvez justement trop autoritaire, trop monsieur je sais tout, ou au contraire, est-ce que vous trouvez qu'il est assez bon dans son rôle? Je pense que l'épreuve est assez révélatrice parce que encore une fois, on voit que les bleus ne savent pas fonctionner sans Maxime, ce qui n'est pas forcément le cas des autres équipes, je dirais, qui sont un peu plus complètes. Et même si on a un peu eu une Béatrice qui prenait son rôle de leader à cœur, on a moins l'impression que cette équipe des jaunes est dépendante de Béatrice comme cette équipe des bleus est dépendante de Maxime. Donc à voir à la réunification, hein, ça peut totalement péter. Et d'ailleurs, je trouve ça très intéressant qu'ils nous montrent un peu le début des fissures, etc., entre Frédéric, Maxime, sachant qu'ils ne sont pas allés au conseil, donc que ça va perdurer à leur unification potentiellement. Vous pensez que les bleus sont archi dépendants, sont tant dépendants que ça de Maxime ? Dans leur gestion au quotidien ou sur les épreuves? Ah, surtout sur les épreuves, je pense. Mais je pense que les bleus, c'est l'équipe la moins soudée, justement, parce que les rouges, qui sont moins nombreux à 3, sont quand même assez soudés. Et les jeunes également. Enfin, il y a une petite fissure entre Aurélien et Angélique qui se mettent un peu plus à l'écart. Mais les bleus, il y a complètement deux groupes. Il y a Cindy, Frédéric d'un côté. Il n'y a pas du monde qui s'entend bien. Là, on a vu Maxime et Claude qui commençaient à faire des stratégies, à vouloir éliminer Cindy. C'est un grand moment, ça, d'ailleurs. Ouais, mais j'ai trouvé l'attitude de Maxime assez dégueulasse quand il faisait des stratégies avec Claude et quand il a dit à la caméra que Claude servait de fusible, donc qu'il n'hésiterait pas à l'éliminer. Donc. Alors ça, je suis assez avec toi justement, Gargo, et en général, on se dit que si jamais c'est dans le montage, ça laisserait peut-être présager ce que Plancaster appelait un downfall edit, c'est-à-dire quelqu'un qui se fait éliminer genre en début de réunification et sans le voir venir. Ça promet du sel, encore. Ça promet des petites étincelles, ouais. Comme vous l'avez dit, épreuve qui a été remportée par l'équipe rouge, et Alexandre devait faire un choix entre un avantage sur la prochaine épreuve d'immunité ou alors avoir les hot dogs plus un indice sur le collier. Donc, il a pris le premier. Est-ce que vous pensez que c'est un bon choix? Est-ce que vous pensez au contraire que vous auriez peut-être pris l'autre? Comment vous voyez ça, vous? Bon choix. Mais c'est surtout un bon choix pour lui, au final, car si il avait pris le hot dog avec un indice pour le collier d'immunité, il serait plus en danger, car Xavier aurait peut-être trouvé le collier d'immunité et aurait voté au final contre Alexandre. Ce serait peut-être Alexandre qui serait fait éliminer malgré son bracelet d'immunité qu'il n'a pas joué au conseil. C'est vrai, bien pensé ça. Vu le contexte, c'est un très bon choix. Ils sont une équipe à 4, donc tu as 25% de chance d'être éliminé. Ça, c'est si on compte pas, bien sûr, les colliers et les positions de force. On a également, donc, ils ont besoin de l'avantage à l'épreuve, ça c'est indéniable. Et pour le collier, je pense que s'ils avaient décidé que, par exemple, l'avantage était les hot dogs pour l'équipe et l'avantage secret pour le capitaine qui aurait été l'indice, j'aurais peut-être hésité, mais je pense que si j'étais à sa place, j'aurais également pris l'avantage pour l'épreuve. Moi, je reviens sur toi, Cruyff, je suis totalement d'accord avec toi. Je pense qu'il a bien fait de prendre l'avantage parce que après, quand même, se retrouver à 3, même s'ils vont se retrouver à 3, prendre l'avantage, c'est surtout quand on est 4, vaut mieux, je pense, que prendre des hot dogs et un indice pour le collier d'immunité. Surtout l'image qu'ils renvoient aux autres, hein. Ils sont une équipe de 4. Ouais, je ouais. pense que c'est important pour eux de montrer qu'ils ont envie de gagner cette épreuve, donc forcément prendre l'avantage, plutôt que se dire j'ai faim et j'ai envie d'avoir un collier. Dans le chat, on a Cerce qui est d'accord. Paul Alex aussi dit c'est meilleur choix pour la confiance, ils avaient besoin de confiance. Cerce, bon choix, je pense, sachant qu'ils n'étaient plus que 4. Dans le chat, en général, les gens sont assez d'accord sur le fait d'avoir pris plutôt l'avantage sur l'épreuve d'immunité. Je suis assez d'accord avec eux aussi, sachant que étant 4, ils avaient besoin d'énormément de confiance, ils avaient besoin vraiment de se mettre un petit coup de boost, et bon, même si ça s'est pas vu ensuite, mais sur le coup, c'était le choix le plus judicieux à faire, je pense. Je sais pas si c'est Creuve qui disait ça à l'instant, mais je suis étonné du choix de la production de ne pas avoir simplement donné au capitaine la possibilité de connaître éventuellement l'indice. Je trouve que ça aurait été judicieux, intéressant de le voir se justifier d'avoir simplement choisi un hot dog en parallèle de l'avantage à l'épreuve. Et de voir comment Alexandre se serait dépatouillé de cette situation en expliquant alors que lui, dans la poche, avait secrètement un indice. Là, ça aurait été, je trouve, un peu plus intéressant. Ça aurait apporté un peu plus peut-être de stratégie, tout simplement. Ah, ils auraient dû laisser le choix, l'avantage qui est l'indice sur le collier, pour le capitaine. C'est un avantage individuel pour moi, ce genre de truc. Ouais. Sachant que le collier, c'est un avantage individuel, donc forcément, pour moi, l'indice doit être individuel. Oui, c'est bête de l'avoir mis pour toute l'équipe. Après, c'est simplement aussi pour créer peut-être de la tension sur le camp avec 4 personnes, un peu comme chez les jaunes un peu plus tard dans l'épisode, où beaucoup se mettent à chercher, et peut-être ça qu'ils voulaient aussi, je sais pas. C'est là, à ce moment-là, qu'on va voir quel clan va se former, peut-être pour après la réunification. Mais moi, je suis vachement content d'avoir vu justement Aurélien dans cet épisode, vu qu'on le voyait pratiquement jamais. Oh, il faisait un ou deux passages, et là, je trouve qu'on l'a plus vu que d'habitude, donc content d'avoir découvert un peu plus Aurélien. Justement, je voulais parler de ça, donc c'est fatalement comme les jaunes ont terminé deuxième, c'est eux qui ont reçu donc l'avantage des hot dogs et des indices, et surtout, ce qu'on voit, c'est quand même des stratégies un peu déroutante, notamment de la part de Steve qui veut absolument trouver le collier en équipe, c'est-à-dire qu'il ne conçoit absolument pas qu'à la réunification qu'il n'y ait plus d'équipe, qu'il n'y ait plus ce groupe absolument soudé. Et ça rejoint un petit peu ce que dit Plantcaster sur le chat, c'est que Koh-Lanta a besoin parfois de secouer les candidats qui sont pas intentionnellement stratèges, et que donner justement des indices à chaque joueur de l'équipe, ça permet aussi un petit peu de donner un petit peu des cassures dans cette équipe. Mais sur oui, ce coup, j'ai vraiment pas compris l'attitude de Steve, car quand Victor a proposé de partager le collier avec toute l'équipe, il a refusé. Donc là, j'ai vraiment pas compris son attitude de l'utiliser en groupe. Peut-être que Victor n'était pas un vrai jaune. Enfin, c'est peut-être comme ça que lui le voyait. Il pensait que Victor s'en servirait en réalité contre eux. Ah, là, il y a Alouez qui me dit que Victor ne faisait pas partie des jaunes également. Peut-être la logique qui se cache derrière ce que pense Steve. Ouais. Après, à savoir, est-ce qu'ils sont vraiment groupe d'abord? C'est un peu ce que le montage nous vend, particulièrement chez les jaunes cette année d'ailleurs. Après, oui. Moi, de ce que j'interprète, c'est que Steve, il voulait faire en sorte de mettre le groupe en avant, mais le groupe, c'est-à-dire son groupe à lui, c'est-à-dire vraiment le groupe des jaunes qu'il apprécie. Et pour le coup, Victor, oui, c'était un peu une pièce rapportée. C'était quelqu'un qui avait eu aussi quelques petites bisbilles avec Béatrice et tout. C'était quelqu'un qui n'était pas intégré de base. Donc, quand Rachel, par exemple, qui dit Steve est hypocrite, c'est tout ce qu'il y a à comprendre. Je suis moyennement d'accord. Voilà, il intègre pas tous les jaunes, il intègre les jaunes qu'il aime bien, et c'est pour ça que quand Angélique et Aurélien vont chercher le collier un petit peu de leur côté, ils font extrêmement bien. Eux, justement, je pense qu'à la réunification, ils peuvent faire mal, très très mal. Je veux revenir un peu sur Steve. Je pense que le fait de montrer qu'il cherche le collier pour toute l'équipe et en même temps nous montrer qu'Angélique et Aurélien cherchent le collier pour eux-mêmes, c'est un peu signe d'une potentielle chute pour Steve à la réunification, parce que il va être tellement aveuglé par cette unité jaune qu'il va peut-être pas voir le coup venir, peut-être qu'Angélique Aurélien vont se faire des alliés de l'autre côté. À un moment donné, il y aura peut-être trahison. Après, je suis pas sûr concernant ces jaunes. On va pas non plus avancer trop tôt. Pour moi, c'était la pire équipe de cette saison. Mais oui, très largement. Je pense pas que Steve ira au bout avec les jaunes. Ça serait trop prévisible. Et je pense pas que c'est ce que la prod recherche en faisant ce genre de montage. Je me demande si l'alliance Alexandre, Maud et Cyril va rester après la réunification. Maud et Cyril, oui. Je pense que ça. J'espère que ça va durer. Hein. Même si j'aime bien Alexandre, je pense que ça va être que le premier visé à la réunification, parce que je pense que c'est le plus fort actuellement qu'il y a dans ces aventuriers. Après, ce qu'il faut regarder, c'est quelle dynamique ils veulent appliquer post-réunification. Est-ce qu'on reste sur les couleurs ou est-ce qu'il va y avoir de la transalliance à travers les différents groupes? Koh-Lanta laisse souvent envisager des alliances qui restent ensemble et qui éliminent tout simplement l'équipe en sous-nombre. Bon, là, c'est vrai qu'ils ont choisi de rester sur trois équipes jusqu'à la réunification, ce qui n'est pas une mauvaise idée en soi. Ça permet d'avoir un jeu en triangle qui peut être intéressant. Après, il faut voir comment les uns et les autres s'en servent. Bon, quand j'entends ce que peut dire un Maxime, moi, ça me fait un peu rire, et puis ça me fait un peu pleurer aussi dans un sens. Son souhait d'éliminer le trio rouge en priorité. Si c'est vraiment sa stratégie pure, j'ai du mal à effectivement à saisir le principe. Maxime, en tant que capitaine, a quand même assisté au conseil où Victor a donné le collier à Béatrice. Donc, il sait que l'équipe jaune a un collier en sa possession. Les bracelets des chefs, ils peuvent les garder post-réunification ou ils doivent les rendre? Non, ils doivent les rendre. Oui. D'accord. Alors, on va passer ensuite à l'épreuve d'immunité, donc une épreuve que les fans de Survivor l'auront compris, c'est une épreuve qui est adaptée de quelque chose qu'on a déjà vu sur Survivor, c'est-à-dire un plateau avec plusieurs personnes qui tirent pour pouvoir le mettre en équilibre, sauf que ça a été adapté à la sauce TF1 et que du coup le rendu est pas mal du tout. Et cette épreuve, malgré le petit avantage rouge, c'est les rouges encore une fois qui ont perdu, donc victoire des bleus, deuxième place des jaunes, et les rouges qui perdent et qui de 4 vont passer à 3, donc est-ce que vous avez quelque chose à dire sur cette épreuve, sur la dynamique rouge? Parce que j'avais l'impression personnellement que la défaite rouge était plus un manque de chance que vraiment un signe de nullité. Alexandre a essayé de poser la dernière pièce à plusieurs reprises. Et vraiment, c'était vraiment la malchance. À chaque fois qu'il posait la dernière pièce, tombait. Donc vraiment, les rouges n'ont pas de chance depuis le début. Après, c'est une épreuve où il faut avoir une très grosse patience, puis rester concentré. Mais franchement, je pense pas que ce soit à cause de ça que les rouges ont perdu. Parce que comme le dit Gargo, à plusieurs reprises, Alexandre a essayé de mettre la dernière pièce, mais malheureusement, à chaque fois, tout tombait. Je serais curieux de savoir combien de temps a duré l'épreuve en réalité, parce que le montage laissait entendre plusieurs chutes à la dernière minute des trois équipes différentes. Je me demande si ça a pas duré plusieurs heures, voilà, avec la difficulté de l'épreuve, la patience, la cohésion à avoir, la chaleur. Mais vraiment, je voulais insister un peu là-dessus. Je trouve que c'est un des meilleurs aspects de Koh-Lanta, que ce soit la photographie ou les épreuves. Je pense même que là-dessus, ils sont au-dessus des Américains. Parce que c'est vrai que pour ceux qui regardent un petit peu Survivor, ça fait un petit peu artificiel, quoi. C'est-à-dire que chaque obstacle est peint aux couleurs de l'équipe. On sent, voilà, que c'est quelque chose, c'est une installation un petit peu comme t'en verrais sur une fête foraine. Là, je veux dire, Koh-Lanta, ils font un effort vraiment avec des ébénistes et tout pour que ce soit en bois, pour que ça ait l'air le plus naturel possible. Et je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus, Marius. C'est peut-être un des rares points où Koh-Lanta est supérieur à Survivor. L'arche avec les pièces à poser était vraiment très belle. D'ailleurs, je pense que sur Survivor, ils ont leur terrain qui est rasé et ils font quasi toutes les épreuves à obstacles dessus. On reconnaît les sites, effectivement, oui. Plusieurs fois, même au fil des saisons, maintenant qu'ils sont au Fidji depuis des saisons et des saisons, il n'y a aucun mal à deviner. Tiens, ça, c'est le même site que la saison 33, la saison 35. Excuse-moi, il y a Rachel qui se fout de notre gueule en disant « Les épreuves de Koh-Lanta sont faites à partir d'obstacles présents naturellement depuis plusieurs millénaires. » Gargo et Fondy, vous vouliez dire quoi ? Ben moi, j'espère que pour la prochaine saison, ils vont changer d'archipel parce que là, c'est quand même la troisième saison qu'ils le font au Fidji. C'est beau les Fidji, mais au bout d'un moment, on en a marre, quoi. Il faut changer. Ouais, moi je commence un petit peu à m'en lasser aussi des Fidji. J'aurais bien qu'ils changent un petit peu. Hein. C'est purement logistique. Par exemple, ils aillent en Amérique centrale, qu'ils changent un petit peu d'archipel, ouais. Après, ce qu'il y a, c'est que les Fidji, le gouvernement des Fidji fait énormément d'efforts pour attirer les émissions d'aventure et que souvent, ils se mettent d'accord avec plusieurs productions. Genre, je crois que TF1 fait ça avec les productions de Belgique, Pays-Bas et de Pologne pour un petit peu mutualiser les coûts. Et ça leur permet de produire un petit peu pour moins cher. Et j'ai l'impression qu'on sauf retournement, parce qu'aux États-Unis, pareil, ça fait depuis la saison 33, je crois, que tout se fait au Fidji. Et je pense qu'on risque de les voir pendant un bon bout de temps encore. Du coup, on va enchaîner avec donc les rouges qui se retrouvent encore une fois au conseil, et c'est Xavier, donc celui qui marche sur les mains, qui a été éliminé malgré une tentative un petit peu de stratégie de faire croire qu'il avait le collier, mais bon, c'était raté. Comme tous ceux qui tentent ce genre de truc en général. J'avais parlé de Semili quand Emily avait été éliminée, mais là je pense que Xavier c'est un peu la même chose. Il refuse de parler aux autres. Il est bien deg. Je veux savoir vous qu'est-ce que vous en avez pensé. Comme on a pu le voir déjà le soir au conseil, il a montré l'attitude d'un très mauvais perdant. Hein. Donc moi franchement Xavier, j'ai pas du tout accroché. Je pense que comme le dit Rachel, les rouges ont fait le très bon choix. Parce que Xavier, ouais, à chaque conseil, j'ai vraiment l'impression qu'il essaye de rabaisser son équipe en mode ils ont fait le mauvais choix à un moment, etc. Devant les capitaines, chose qu'il ne fait pas sur le camp bizarrement. Je pense que ça a dû pas mal les agacer. Et je comprends totalement parce que le mec tente de se sauver de base et il ne fait que les enfoncer alors qu'il devrait plutôt tenter de s'intégrer dans ce groupe, oublier les alliances du début, oublier le premier conseil, oublier le deuxième conseil, et vraiment tenter, même s'il le pense pas d'ailleurs. Je pense qu'il aurait dû plutôt rester sur la dynamique sur laquelle il était sur le camp, c'est-à-dire que moi je suis là pour vivre le rêve de ma vie, etc., mérite, etc. Même si c'est un mot qu'on déteste entendre, s'il avait insisté là-dessus, il aurait pu avoir sa chance. Mais je pense qu'il s'est énormément enfoncé durant le conseil. Oui, mais à tous les conseils, il parle de éliminer Chloé avant qu'il avait fallu parler d'éliminer Victor, mais à chaque fois, à tous les épisodes, on l'entend dire ça. Il aurait fallu éliminer Chloé. Et moi, j'ai eu très très peur pour Alexandre. Enfin, moi, je pensais que Alexandre allait jouer son bracelet d'immunité, mais il l'a pas joué, donc j'ai été très surpris. Alexandre qui prend des risques, effectivement. Moi, honnêtement, Xavier, c'est l'archétype du candidat de Koh-Lanta. C'est-à-dire, au mauvais sens du terme, bien évidemment, c'est-à-dire qu'il est... Par exemple, il y a eu un moment pendant le conseil qui a été très marquant, c'est quand les deux autres capitaines ont partagé leurs sentiments sur l'alliance qu'il avait créée au départ avec Victor et Émilie, et que tout le reste de l'équipe rouge a validé, mais comment dire, avec ça leur sortait du cœur. Ils ont remercié presque Béatrice et Maxime de montrer à Xavier que oui, effectivement, dès le départ, son groupe, parce qu'on parlera pas d'une alliance, je pense, dans ces cas-là, son groupe avec les deux autres ont fait d'eux un trio potentiel et un trio dangereux, ce qui a forcé, j'ai l'impression en tout cas, Chloé et les trois rouges encore présents, à s'allier contre eux. Et ça, Xavier, j'ai l'impression qu'il n'a pas réussi à le comprendre. Et c'est en ça que je dis pour moi que c'est l'archétype du candidat de Koh-Lanta parfait, c'est qu'il n'arrive pas à saisir un deuxième, voire un troisième plan de stratégie et de fonctionnement du jeu. Donc, à partir du moment où il a perdu pied, où les quatre autres se sont retournés contre eux avec la première élimination de Victor, dès cet instant, pour moi, c'était perdu pour lui. Et c'est quelque chose qu'il ne comprend pas puisque, il le dit lui-même, il se voyait aller plus loin. Je pense qu'il se voyait lui-même dans ce rôle du joueur très fort sur le camp est relativement facile sur les épreuves, qui irait de toute façon automatiquement post-réunification. Et c'est en ça qu'il a, je pense qu'il l'a eu mauvaise. Ouais, il a une vision très linéaire et très centrale du jeu, hein. Ça voilà faut le dire. Ouais, sur le compte Twitter d'Autour du Feu, on a partagé deux interviews de sortie de Xavier, qui est toujours aussi amer maintenant, et qui dit lui-même qu'il est un très mauvais stratège, et que de deux, que pour lui, en gros, il voulait se créer genre un petit noyau de trois pour faire une équipe forte, sans penser un seul instant au nombre. Là où je rejoins Marius justement, c'est que c'est le candidat qui voit Koh-Lanta comme un simple jeu d'aventure où justement les nombres, la stratégie, c'est quelque chose auquel on touche, mais vraiment on se pince le nez. Et ça fait du bien de voir quand même trois candidats qui parlaient mérite et qui se sont fait avoir par leur propre manque de stratégie. Donc je parle de Victor, Émilie et Xavier. Oui, mais dès le début, ils ont mis au clair leur alliance, et ils en ont parlé à Béatrice, ils l'ont trop montré, leur alliance, je trouve. Ils auraient dû s'allier, mais par exemple, Victor aurait pas dû dire à Béatrice de ne pas vouloir être dans son équipe. Ils ont pris la confiance sur le camp, les quatre autres, donc Maud, Cyril, Alexandre et Chloé s'en sont rendu compte, et tout a commencé avec Victor, puis Émilie, et enfin Xavier. Et je trouve que c'est justement très symptomatique, et c'est à la fois super super important ce qui est en train de se passer, parce que on a donc d'un côté trois personnes qui n'arrivent pas à comprendre les mathématiques, puisque dans une équipe de sept, trois, ça ne crée pas une majorité. Et de l'autre côté, en face, on a donc un quatuor qui a délibérément choisi de s'allier pour contrer ça, alors que dans des saisons passées, on aurait eu le schéma classique du trio donc qui se crée et qui arrive à attirer, on va dire, peut-être deux autres personnes pour éliminer les personnes dites les plus faibles, comme Maud, puisque c'est la plus âgée, ou même encore Chloé, puisque sur les épreuves, elle avait le plus de difficultés. C'est ce qui s'est vu dans énormément de saisons. Et là, les voir tous les quatre réussir à créer ça et à ne pas se cacher justement, à le dire clairement, on a créé une alliance parce que ça va nous permettre, nous, d'aller plus loin. C'est, pour moi, c'est une, ouais, c'est clairement, c'est une bouffée d'air frais, quoi. C'est très simple, mais sur Koh-Lanta, c'est exceptionnel. Ouais, surtout que non seulement ils disaient qu'ils étaient en alliance, mais ils le montraient aussi genre sur le camp. À chaque fois que Victor ou Xavier faisait quelque chose, on avait Émilie qui les félicitait, bravo, je suis trop fier de vous, etc. Ce qui n'était pas le cas par exemple quand un Alexandre ou un Cyril allait pêcher un poisson. Donc il y a aussi là la fierté de se dire, ah, dans mon équipe il y a quelqu'un qui me remercie pas, je vais l'éliminer. On a trois rouges maintenant qui sont ultra appréciables, je pense. C'est vraiment l'une des alliances que je préfère niveau pré-réunification dans Koh-Lanta, parce que non seulement ils ont fait leur coup au premier conseil, mais à part l'élimination de Chloé, que je comprends un peu aussi, hein, ils sont allés au bout de leur alliance. Et du coup, j'espère qu'ils vont aller plutôt loin, mais voilà, quoi, pas non plus rester à trois ensemble et la vie est belle. Je pense que Alexandre est le moins fidèle, enfin qu'ils vont pas trop mettre Alexandre dans leur alliance, parce qu'on l'a vu dans l'épisode. Maud a pensé à voter Alexandre, elle l'a pas fait, mais elle l'a pensé. Donc je pense que Alexandre est moins dans cette alliance, et je pense que l'alliance c'est plus le duo Cyril et Maud du côté des rouges. Ouais, oui. Cyril et Maud sont bien plus solides que le trio. D'ailleurs, la perte d'Alexandre pourrait presque les servir, les deux autres. Oui, mais je pense que Alexandre, ça va être le premier visé. C'est, on va dire, le plus fort physiquement de ce Koh-Lanta là. Donc, je pense que les deux autres équipes vont l'éliminer. Maud et Cyril, ils apprécient Alexandre, mais ils aiment pas trop son côté autoritaire, je pense. coup, l'analyse de l'épisode est terminée. On va passer tout de suite à notre jeu mis en place par Plantcaster, le Crescendo. Donc, je rappelle les règles. Le but est de parier sur 5 épisodes, donc parier sur les éliminés du prochain épisode. J'attends un petit peu les pronostics de tout le monde sur le chat et j'attends aussi les vôtres. Donc, on va commencer par Gargo. Par exemple, Gargo, toi, tu vois qui partir la semaine prochaine? Donc, moi, aux ambassadeurs, je vois Cindy partir. Enfin, Cindy ou Frédéric, mais Cindy est plus forte que Frédéric et a un collier d'immunité. Donc, je la vois partir aux ambassadeurs. Ensuite, au premier conseil de la pré-réunification, je vois Alexandre, car c'est le plus fort de Skolanta. Mais Alexandre, comme il est très fort, il pourrait très bien gagner la première épreuve d'immunité, mais s'il ne le gagnait pas, je pense que ce serait Alexandre. Et pour le troisième, enfin, Maxime, car il est très stratège, donc je pense que ça va être un danger pour les deux autres équipes et que les jeunes, par exemple, vont s'allier avec Cyril et Maud pour éliminer Maxime, qui est stratège. Donc voilà. Alors, ensuite, on va passer à Fondy. Alors, moi, je pense aux ambassadeurs, ça peut être Frédéric qui va partir. Parce que Frédéric, il a quelques petites tensions entre Maxime, lui, puis toute son équipe, hein, comme on a pu le voir dans l'épisode 6. Il y a des petites tensions. Donc, moi, aux ambassadeurs, je dirais Frédéric. Et après, au premier conseil de la réunification, je dirais que ça pourrait être en premier Nicolas. Parce que je pense que Alexandre, s'il gagne l'épreuve d'immunité, je pense que ça pourrait être Nicolas. Nicolas qui se plaint beaucoup. En deuxième, je dirais que ça pourrait être soit Angélique ou Aurélien. Parce que Angélique et Aurélien, ça peut être un duo qui peut faire des ravages, je pense, au niveau s'ils font une alliance. Du coup, je pense que le mieux serait de faire sauter un des deux. Et en troisième, qui je dirais? Je dirais, ouais, je pense Alexandre. Alexandre qui peut être un aventurier très très fort sur les épreuves. Et qui pourrait être très dangereux, même au niveau des stratégies, je pense. Cruyff, c'est à toi. Ok, donc au niveau des ambassadeurs, j'ai limite envie de penser qu'ils vont aller à la boule. Et comme je pense qu'Alexandre ne va pas être éliminé, ni Maxime, je dirais peut-être Béatrice. On a eu un montage qui montrait Béatrice comme cette leader de cette équipe jaune. Est-ce qu'elle irait mettre le nom de quelqu'un de son équipe? Je ne sais pas. Et ensuite, si je vois quelqu'un être éliminé aux ambassadeurs, pas par boule, je pense que ça sera un bleu, donc potentiellement Frédéric. Et ensuite, peut-être un Nicolas ou une Sophie, j'hésite encore entre les deux, qui pourrait se porter volontaire. Hein. On a vu que Nicolas n'est pas forcément la personne la plus motivée dans le jeu. Donc peut-être que sous la pression, il va se dire « Oui, de toute façon, tu peux m'éliminer si tu veux. » Donc ce que j'ai cru voir dans la bande-annonce, c'est que Cindy apprenait qu'elle était visée. Et comme elle a un collier, je me dis pourquoi pas ce parallèle entre la découverte du collier de Cindy et le fait que Claude dise « Oui, je ne pense pas qu'elle a le collier. » Donc, peut-être une élimination de Claude, parce que je pense pas que ça sera le tour de Maxime, ce conseil-là. Je pense que ça sera au deuxième conseil de la réunification. Donc, je vois bien Claude. Ensuite, potentiellement, Alexandre, qui est quand même un élément fort rouge et qui est pas non plus présenté comme la personne la plus attachante de cette unité rouge. C'est pas la personne, quand on va l'avoir éliminé, on va avoir le cœur brisé. Donc, je pense que Maud et Cyril sont safe pour ce conseil. Alexandre, pas tellement. Et ensuite, en troisième, je vois pas. En troisième, je vais dire Maxime. Ouf, je vais dire Maxime. Donc, okay, Claude, Alexandre, Maxime pour le conseil. Ça marche. Et enfin, Marius. Alors, moi, je vais pas être très original. Sur les ambassadeurs, en fait, ça dépendrait réellement de si Maxime va au bout de sa pensée, de ce qu'il nous a laissé entrevoir là. Effectivement, il aurait aucun mal à sacrifier un des siens, puisqu'il pensera s'allier à d'autres après. Donc, effectivement. Le premier choix tombera sur Frédéric, au vu de leur relation et de, il est vu encore comme le stratège, comme ce qui lui a coûté son élimination au départ. Et ensuite, au niveau du premier vote post-réunification, ça peut clairement aller dans tous les sens. Je pense que chacun essaiera de viser un fort. J'aurais envie de, pour être un peu plus original, je vais rejoindre, je crois que c'est Cruyff qui a parlé de Béatrice, tout simplement parce que c'est peut-être la plus dangereuse de toute la saison à ce niveau-là, que ce soit surtout au niveau du social, puisqu'elle est appréciée de beaucoup, que ce soit dans son équipe ou chez les autres, et puis pour son collier. Donc si l'un a la brillante idée de la mettre dans le confort pour finalement la blindsider, ça pourrait être quelque chose de pas mal. Autrement, effectivement, chez les rouges, sûrement Alexandre, et chez les bleus, peut-être Maxime, effectivement, ouais, c'est Je pense qu'ils iront vers le classique. On vise le plus fort de la minorité. J'espère pas. Mais Koh-Lanta, ça a souvent été comme ça. Ok, ça marche. Du coup, le mien, moi, je vois comme vous Frédéric en premier aux ambassadeurs, parce que je pense que les trois voudront avoir un vote un petit peu unanime à ce sujet. Et dans les deuxièmes, je dirais les deux unificateurs, chacun dans un même style. Je mettrais Maxime en deuxième, parce que lui, je pense très franchement qu'il va y passer dans les prochains épisodes. Et Steve, qui, si j'étais joueur, ce serait le premier sur ma liste, parce qu'il a une fonction un petit peu unificatrice dans l'équipe des ex-jaunes maintenant. Et si on enlève le pilier, l'alliance s'effondre. Donc voilà, je prendrai ces trois-là. Ben, merci beaucoup, en tout cas, pour être intervenu. Donc, JAT, le serveur Discord, joueur avant tout, le serveur de Plantcaster, pour écouter le podcast, pour réagir et pouvoir jouer à des jeux de Survivor. Et ensuite, retrouvez-nous sur Twitter, sur Facebook. Bah, je voudrais dire merci à Gargo et à Fondy. Merci à toi. Il n'y a pas de quoi. Merci à toi aussi. Ouais. Quel plaisir de participer à ce podcast. Et si on a l'occasion d'y reparticiper, on n'hésitera pas. Ah bah, vous êtes sur la liste, ouais. Les gars, il n'y a pas de souci. Ensuite, Cruyff, Marius, à plus. Merci pour l'invite. C'était un plaisir. Donc, on vous retrouve dimanche prochain à 14h cette fois-ci pour analyser l'épisode 7 de l'épisode de Koh-Lanta. J'espère que ça vous plaira, j'espère que vous serez en rendez-vous et d'ici là, portez-vous bien. Salut! Salut! Allez, merci, à bientôt!